j'ai bouclé ça. Attends, fais voir comment on fait pour. Petit riff à Bono. Ça va trop vite la merde.